Heineken 22, si c'est gros ouin, je tout plusieurs fois par jour. C'était moi à 20 piges, 10 ans plus tard, plus tout à fait le même. Pas mal de regrets, peut-être la nostalgie d'une époque où je croyais tout niquer. Aujourd'hui mon kiff, va mon fils jouer sur le tourniquet. Les jours de doute trouvent mes réponses dans la prière. Les jours où j'ai trop de stress, me défoule avec mon sparring partner. Wu-Tang dans la caisse et je me revois en ce temps-là. Des putains de réseaux mémorables, demande au Mola. On finissait toujours par vomir notre bile dans vos rues. Sans hésiter, je dirais des points à rien, sinon on refourguait cette merde dans vos rues. Ouais, t'as pu tu pour un regard. Sache qu'il est cité rime avec placard, mais rempleur avec parloir. Un bruit dans le couloir avec mitard. C'est en vérité pas de mytho. Chez nous, pas de tocard qui s'invente et vide l'ascar. Chez nous, beaucoup d'ex-délinquants qui se lèvent chaque jour un salaire de prolétaire. Et détends nos souvenirs plus ou moins bons, laissés loin derrière. Quand j'étais mon héros était Bruce Lee, Schwarzenegger, Stallone. Aujourd'hui c'est Moïse, oui, Jésus et Mohamed. C'est toujours salam, pour ceux qui nous comprennent. En espérant avoir droit au salut de mon âme. Et peut-être plus tard au repos éternel. Inch'Allah. Pourri jusqu'à la racine, la mauvaise herbe sur le bitume. Produit hautement toxique, la délinquance comme habitude. À la bouche c'est soit une bière, soit un spliff, soit une insulte. Généralement plus doué pour le trafic que pour les études. Pourri jusqu'à la racine, la mauvaise herbe sur le bitume. Produit hautement toxique, la délinquance comme habitude. À la bouche c'est soit une bière, soit un spliff, soit une insulte. Généralement plus doué pour le trafic que pour les études. C'est pas en mettant la main au fer de cette meuf dans le bus, en la traitant de sale pute, que tu deviendras un vrai scar là. C'est pas en braquant son fond à ce mec que tu qualifies de bouge à sa chemise que ta condition de vie s'arrangera. C'est pas en disant y'a pas de taf, c'est tous des putains de racistes, que tu trouveras plus vite un emploi. C'est pas avec un niveau 6ème et ta casquette de Vertra que tu pourras prétendre un putain de salaire d'avocat. Beaucoup rêvent d'avoir la belle vie mais ne font rien pour. Jalouse les autres du matin au soir et se plaignent de leur sort. Remettre à plus tard ses obligations, facile de dire demain je vais le faire. Perdre son temps est pire que de perdre l'argent. Chaque jour passé nous rapproche de la fin. La partie se joue maintenant, ceux qui chauffent le banc n'auront pas la récompense de ceux qui donnent un fond sur le terrain. Ceux qui se foncent des H24 deviennent paranoïaques comme Jack Bauer. Ce qui ne les rend pas meilleurs, bien au contraire. Ceux qui dans le halam persévèrent, se précipitent vers leur perte. Sache qu'ici, pas rien n'est acquis, je te parle même pas d'argent. Nos vies sont des châteaux de cartes qui peuvent s'effondrer à tout moment. Pourri jusqu'à la racine, la mauvaise herbe sur le bitume. Produit hautement toxique, la délinquance comme habitude. À la bouche c'est soit une bière, soit un spliff, soit une insulte. Généralement plus doué pour le trafic que pour les études. Pourri jusqu'à la racine, la mauvaise herbe sur le bitume. Produit hautement toxique, la délinquance comme habitude. À la bouche c'est soit une bière, soit un spliff, soit une insulte. Généralement plus doué pour le trafic que pour les études. Pourri jusqu'à la racine, la mauvaise herbe sur le bitume. Produit hautement toxique, la délinquance comme habitude. À la bouche c'est soit une bière, soit un spliff, soit une insulte. Généralement plus doué pour le trafic que pour les études. Pourri jusqu'à la racine, la mauvaise herbe sur le bitume. Produit hautement toxique, la délinquance comme habitude. À la bouche c'est soit une bière, soit un spliff, soit une insulte. Généralement plus doué pour le trafic que pour les études.